Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Mais d'abord, une inforoute. Infotrafic RTS. Prudence si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Martigny. Des objets sont tombés sur la chaussée entre le tunnel de Glion et Villeneuve en direction du Valais. Et sur l'axe Chiasso-Lucerne, un bouchon de 3 km s'étend à l'approche de l'entrée sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, soit 3 quarts d'heure d'attente. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. Albatta jang dar manatiq Afghanistan dar har noqta farq mekunad. Chi dar manatiq Kohistani dar shaharha va dar arazi hamwar. Cette semaine, l'Afghanistan. D'une monarchie constitutionnelle à un chaos institué, l'interminable état de guerre. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire. En 1965, un homme se rendait une fois encore sur les traces d'une terre qu'il avait déjà arpentée. Cette année-là, pour le magazine télévisé 5 colonnes à la une, Joseph Kessel parcourait les traverses du marché de Kaboul, déambulant dans un Afghanistan aujourd'hui si lointain. Ce quartier de Kaboul m'enchantait. Je retrouvais avec bonheur l'entrelac de ses ruelles, venelles et impasses. Et aussi les tchaïkhanas, si accueillantes que leur simplicité, leur pauvreté, prenaient la générosité du luxe. Nous sommes entrés dans l'une d'elles qui était située au premier étage d'une maison branlante. Et de cette sorte de balcon, on voyait mieux que de la rue le bazar et sa vie. Les façades irrégulières de terre sèche, le bouillonnement humain, les vêtements bigarrés, les couleurs heurtées, chantantes, les odeurs des fruits, des légumes, des épices, du pain qui cuit, des brochettes qui grillent, les cris, les rires, le ruisselant murmure de la foule. Oui, on embrassait le bazar dans son ensemble et son détail, dans son instant présent et comme dans son éternité. Car il portait le visage de tous les marchés de l'Asie centrale et avait sur lui la patine des siècles. Et le contemplant, je songeais à l'autre partie de Kaboul, celle où nous habitions, celle qui rejette le passé chaque jour davantage. Aux avenues asphaltées, aux édifices, hôtels, restaurants, cafés, copiés sur l'Occident. Je mesurais les changements énormes survenus entre chacun de mes voyages en quelques années. Et je me disais qu'il ne s'arrêterait pas au centre de la ville. Le mouvement était fatal, inexorable. Un jour, et peut-être bientôt, le quartier qui s'étalait sous mon regard allait perdre son merveilleux visage. Et je me penchais sur lui avec une avidité, une tendresse redoublée. Parole prophétique de Joseph Kessel. Comme il paraît loin ce passé. Au moment où nous reprenons notre récit, l'Afghanistan est plongé en plein chaos. On est passé d'une tuerie à une autre. Après la guerre contre les soviétiques, on passe à la guerre qui n'a bien de civil que le nom. Celle-ci a fait environ 30 000 victimes, 100 000 blessés. Le pays est détruit dans sa quasi-totalité. Kaboul, ville d'un million d'habitants, n'a plus ni eau courante, ni téléphone, ni électricité depuis presque 3 ans. Les seigneurs de la guerre se sont partagés le territoire en fonction des critères ethniques. On ne peut guère imaginer que les populations en seraient à regretter la présence soviétique, mais à l'évidence, la durée de cette guerre, l'instabilité permanente et les souffrances se sont additionnées au point qu'on n'est sans doute pas très éloigné d'accepter n'importe quel arrangement, n'importe quelle stabilité. C'est exactement ce qui va se dérouler en Afghanistan entre les années 94 et 95. Chapitre 1. Jeunes, croyants et déterminés. Une nouvelle génération de jeunes gens qui n'ont pour la plupart pas été en contact direct avec les luttes des années 80 font leur apparition. La plupart d'entre eux ont grandi dans les camps de réfugiés au sein du Pakistan et reçu une formation rudimentaire dans les madrasas dirigées par divers partis islamiques pakistanais extrémistes. Autour d'eux, que voient-ils ? Ils voient un pouvoir corrompu, des dizaines et des dizaines de petits despotes moudjahidines. De ces étudiants, de ces talibs, comme vous voudrez, un auteur a donné la description suivante. Ces garçons vivaient dans un monde à part des moudjahidines que j'avais connus dans les années 80. Des hommes qui pouvaient décliner leur lignée tribale et de clan, qui se rappelaient avec nostalgie leurs fermes, leurs vallées abandonnées et racontaient les légendes et les contes de l'histoire afghane. Ces garçons étaient d'une génération qui n'avaient jamais vu leur pays en temps de paix. Un Afghanistan n'étant pas en guerre contre des envahisseurs ou contre elles-mêmes, ils étaient littéralement les orphelins de la guerre, sans racines, sans emploi, pauvres, peu formés. Leur croyance simple en l'islam messianique et puritain que leur martelaient de simples mollahs de village était le seul point d'ancrage auquel ils pouvaient s'accrocher et qui donnait un sens à leur vie. Formés à rien, même pas aux occupations traditionnelles de leurs ancêtres, telles que l'agriculture, l'élevage ou l'artisanat, ils étaient ce que Karl Marx aurait appelé le lumpen prolétariat de l'Afghanistan. Voici le moment de leur entrée en scène. Chapitre 2. Le calme relatif avant la tempête des extrêmes. À Kaboul même, on a depuis une semaine relatif calme, dû principalement à des pourparlers qui se poursuivent entre les factions avec le soutien des Nations Unies. Il y a aussi un autre facteur qui est celui que des combats se sont plutôt développés au sud, à Ghazni, et ces derniers jours, plus proche de Kaboul, mais toujours à une cinquantaine de kilomètres au sud et à l'ouest de la capitale. Mais qu'on ne s'y trompe pas, voici à présent quelques mois, une nouvelle force est apparue sur le terrain des hostilités. Une force déterminée à en finir avec la guerre, à sortir le pays de son impasse politique et militaire. Quelques 25 000 d'entre eux contrôle tout le sud-est du pays, soit 10 provinces sur 30. Au cours d'une marche qui stupéfie tout le monde, ils prennent ville après ville, sans combattre, le long de la route qui relie leur base méridionale et la capitale. En septembre 96, ils prennent Kaboul et avec le contrôle du pays. Michel Ducrot, chef de la délégation du CICR, prend la chose du bon côté. Ce soir, comme toute la journée, la situation très très calme. On avait connu une nuit assez bruyante et assez mouvementée, mais à partir de, disons, 5-6 heures ce matin, le calme presque total règne dans la ville et sans aucune exception, ce soir, c'est paisible. Et la réaction des Kaboulis eux-mêmes, est-ce qu'ils sont plutôt craintifs ou heureux ? Ça, c'est assez difficile d'en juger. On ne peut pas dire que les Kaboulis manifestent une crainte particulière ni un enthousiasme particulier. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on les voit très nombreux dans les rues, plutôt soulagés, parce qu'évidemment, par rapport à la tension qui a précédé cette prise de Kaboul, la population respire. Entre cet enregistrement de la fin septembre et celui à venir, une quinzaine de jours se sont écoulés. Les talibans tiennent Kaboul, mais pour combien de temps encore? Car face à eux, les forces tadjiques de Massoud ne désarment pas. Pour elles, pas question de laisser les talibans s'installer dans le pouvoir. Manuel Girardin est à présent parti en Afghanistan. Il peut sur place rendre ainsi compte d'une situation que le monde découvre nouvelle jour après jour. Les talibans, à dire vrai, sont encore mystérieux pour beaucoup. Alors, il y a un contraste entre hier soir et ce matin. Hier soir, on craignait des attaques peut-être imminentes sur Kaboul. Ce matin, c'est plus calme. Les combats se déroulent à environ 40 km. Il y a donc dans la capitale un calme provisoire, mais il faut dire que la population est inquiète. Les talibans deviennent plus durs. Ils enrôlent de force des jeunes, en particulier des jeunes du Panjshir, dont ils se serviraient comme boucliers sur le front en les envoyant dans des zones minées. Alors, beaucoup de gens se serrent chez eux. Et puis il faut dire aussi que le pouvoir des islamistes est toujours très flou sur le plan hiérarchique. En tout cas, chaque petit chef fait ce qu'il veut. Alors ce qu'il faut relever peut-être, c'est que les talibans deviennent mécontents et se rendent bien compte que les journalistes ne leur sont pas favorables et qu'ils dénoncent les exactions, notamment à l'égard des femmes. Alors les talibans ont décidé de ne plus laisser les gens de presse aller où ils veulent sur le terrain. Ils ne veulent pas non plus que les journalistes relatent son contrôle du pouvoir, ce qu'ils voient. Un ordre a été donné en ce sens pour exercer, il faut bien le dire, une forme de censure. Mais par qui cet ordre a-t-il été donné? Mystère. On peut rappeler qu'il n'y a toujours pas de gouvernement à Kaboul. Les chefs talibans sont toujours à Kandahar. C'est une situation incertaine, difficile à cerner. Les Kaboulis font une sorte de résistance passive. Ils vivent dans des conditions très dures, mais personne ne se plaint. Et je crois là qu'il faut souligner le courage des Afghans. Dans quelques instants, la vie quotidienne à Kaboul, au travers de reportages effectués dans les conditions made in Taliban. Né en 1962 à Kandahar, Narma, véritable mère courage, en dépit des traditions et de sa famille, entreprend la carrière de chanteuse. Elle est ensuite persécutée comme pécheresse et se réfugie à Kaboul où elle se produit à la radio. Ses chansons engagées parlent de liberté et d'émancipation. À l'arrivée des talibans, elle continue, mais menacée de mort, elle s'enfuit au Pakistan où elle poursuit son combat. Narma. Thank you. Chapitre 3. Kaboul de ci, Kaboul de là. Le 27 septembre dernier, Kaboul est tombé aux mains des talibans, des miliciens ultra-religieux qui ont instauré le régime islamique le plus dur au monde. En quelques jours, ils ont tout interdit. Leur cible principale, les femmes. Elles n'ont plus le droit de sortir sans chadri, plus le droit de travailler, plus le droit d'étudier, à peine le droit de s'exprimer. Prohibé aussi tout ce qui détourne de la religion, le sport, la télévision, la radio, les jeux, la musique. Sur les murs de Kaboul, les bandes vidéo accrochées, telles des trophées. Au nom d'Allah, les talibans ont instauré un régime de terreur. Au nom de la vie, des hommes et des femmes résistent. En 2 ans, les talibans ont conquis les 3/4 de l'Afghanistan et changé radicalement la société. Mais qui sont ces hommes qui agissent au nom d'Allah ? J'étais dans une école coranique au Pakistan, j'ai étudié jusqu'à 16 ans et je suis un vrai musulman. Au programme, il y avait une grande sélection de livres religieux. J'ai passé le bac et ensuite je suis parti en stage. On apprenait les prêches dans les mosquées. La prière, c'est l'obsession des talibans. Les étudiants en théologie devenus soldats font la chasse aux Afghans, soupçonnés de vouloir se dérober à leur obligation. Les hommes doivent se rendre 5 fois par jour à la mosquée. La première prière est à 5h du matin. La façon dont on traite les femmes, c'est normal. C'est prévu par l'islam. L'islam dit que les femmes ne doivent pas travailler. C'est dangereux pour la société. Vous, les étrangers, vous nous demandez sans arrêt pourquoi les femmes ne travaillent pas. Moi, je vous réponds, nous savons ce que nous faisons. Est-ce que vous voulez continuer votre combat dans d'autres pays ? On essaiera de toutes nos forces de poursuivre notre mission. On ne s'arrêtera pas là. Voilà une première vision de Kaboul avec cet extrait de Prisonnière du voile du magazine Envoyé spécial en 96. Kaboul aux mains des talibans, aux mains d'un de ces régimes islamiques les plus durs, les plus extrémistes. Mais comme toujours, c'est dans les pires extrémités, où les facultés d'adaptation font appel aux réflexes les plus instinctifs et les plus vitaux, c'est dans ces pires extrémités que l'on trouve aussi de splendides scènes de résistance. Manuel Girardin, sur place à Kaboul, a capté quelques-unes d'entre elles. 13, 4. 14, 15, et bien, allez, va. Qu'est-ce que vous faites là alors ? Ah ben, tous les soirs, on fait un peu de. Je sais pas, ils apprennent un peu à compter, ils apprennent à écrire des lettres, puis aussi bien les petits que les grands que. Ah, et pas alors là, il y a dans nous, il y a deux petits gosses qui viennent de compter, oui. Et puis alors il y a des hommes à côté d'eux, des hommes armés. Mais ce soir encore, les petits sont pas nombreux parce qu'il est tard. D'habitude, c'est à 5h. Et là, à peu près, il y a une quinzaine de petits qui sont là tous les soirs. Mais comme on avait réunion, ben, ce soir, les petits, il y a deux petits qui sont restés, puis les autres rentrent à la maison. Et alors, ceux qui sont à côté, les soldats, eux, les écoutent ? Ah ben non, mais il y en a qui travaillent aussi. Lui, il travaille bien. Moulanaim, il travaille tous les soirs. Ouais. Il est taliban, lui ? Eh ben, bien sûr, il y en a ici, il y a tout, les talibans, il y a toute la population ici. Taliban, taliban. Il y a les chouchous, allez à la maison. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Bye bye. Eh bien, il n'y aura pas de lendemain à cette joyeuse et débonnaire rencontre, enregistrée voilà presque 2 semaines devant le siège de Médecins du Monde à Kaboul. Rapidement, un mollah, responsable du nouveau régime dans le quartier de Wazir Akbar Khan, a interdit à ses hommes de fréquenter les étrangers de Médecins du Monde, des infidèles. Quant aux gosses des environs, ils ont été chassés par les talibans à coups de crosse. Plus de bonne humeur, plus de rire, c'est le reflet du nouvel ordre qui règne à Kaboul depuis le 27 septembre. Les directives des nouveaux maîtres sont mal acceptées par les habitants de la capitale qui leur opposent une courageuse résistance passive. Ainsi, alors même que la plupart des écoles demeurent fermées, de jeunes professeurs férus de français profitent du flou existant dans les injonctions des talibans pour se réunir dans la salle d'un lycée. Nous avons recommencé notre cours. Nous voulons continuer jusqu'à la fin pour apprendre la langue française parce que c'est la seule langue européenne qui nous intéressait. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous aimez dans la langue française? J'aime tout, particulièrement les poésies françaises et les romans français. Et j'aime tout dans cette langue. Vous ne pensez pas que le nouveau régime va dire qu'on ne doit pas apprendre des langues qui viennent d'Europe, il faut rester entre nous, entre musulmans, et peut-être interdire les cours? Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas interdit notre cours, mais si ils interdit nos cours, et nous pouvons continuer nos cours en cachette, et chez nous, entre nous, et personne ne peut pas nous éloigner de la langue française maintenant. Donc vous êtes prêt à vous battre, si l'on oui. peut dire, à lutter pour apprendre le français? Oui, oui, nous sommes tout prêts. Le professeur de cette petite assemblée espère lui aussi poursuivre les cours, mais Jean-Pierre s'inquiète surtout de la discrimination qui frappe ses étudiantes et plus généralement les femmes afghanes contraintes de rester chez elles. À ma connaissance, il n'y a aucun pays au monde où on interdit aux femmes d'accéder à l'éducation. Donc ce qui se passe ici, c'est très très grave. Et je suis en contact avec mes anciennes étudiantes, je vais chez elles et elles sont terrorisées. Elles ont vraiment aucun espoir à court terme, de revenir. Et en plus, ce sont des gens qui ont 20 ans, 25 ans, donc qui ont eu accès à l'éducation, qui s'est orienté vers la formation d'un métier, et qui du jour au lendemain se retrouvent complètement exclus, niés. Et c'est très très grave, quoi. Vous dites que vous les voyez, comment réagissent-elles? Est-ce qu'elles se plaignent? Est-ce qu'elles sont désespérées d'une certaine façon? Mais ça, elles sont désespérées, elles se plaignent, mais elles sont aussi... complètement abandonnées, quoi, puisque pour l'instant, elles n'ont même pas la possibilité de sortir, quoi. Donc, elles ne sont pas non plus tellement informées, et leur volonté de travailler est très très forte. Personne n'accepte cette situation, personne. La doctoresse Jabra entend bien résister aux ordres des islamistes. Entourée de sa sœur et d'une amie, elle tient à nous recevoir chez elle, la tête recouverte d'un voile, mais sans le tchador intégral, la grillage, qui fait des femmes afghanes des ombres fantomatiques. Cette gynécologue de 35 ans insiste pour nous parler, pour faire entendre sa voix au-delà des frontières de l'appartement dans lequel elle est désormais confinée. C'est très difficile pour moi et pour tous les Afghans. S'il vous plaît, faites savoir à tous ce qui se passe ici. Moi, ma sœur, ma famille et toutes les femmes afghanes, nous ne pouvons plus travailler. Je vous en prie, diffusez notre message à toutes les femmes dans le monde entier. Fawzia, l'amie de la doctoresse Jabra, s'insurge. Pour elle, l'islam rigoriste imposé par les talibans est tout à fait contraire aux préceptes du Coran. J'étudie chaque matin le Saint-Coran et je pense que Dieu est grand et qu'il acceptera ma requête. Vous vous considérez vous-même comme une bonne musulmane? Oui, je suis une bonne musulmane. Et pour une bonne musulmane, il est nécessaire de travailler et d'avoir un salaire. Mais quand les talibans disent qu'ils verseront leur salaire à ceux qui ne peuvent plus travailler, je pense que cela n'est pas bon, ni pour les musulmans, ni pour les musulmanes, ni pour le futur de l'Afghanistan. Comment passez-vous vos journées? Je passe mes journées inquiètes. Et chaque jour, chaque nuit, je pense à mon avenir, à ce que je deviendrai. Le chant de ces enfants dit ceci: les pauvres enfants ont dû quitter leur maison. Il n'y a plus de lumière. Et même la mouche qui était ici est partie. Quand nous sommes sortis, nous n'avons vu que des ruines, des destructions et des cendres. « Yves Simon. Écrit et sorti en 1999, ce titre est un hommage aux femmes afghanes souffrant des pires privations sous le régime misogyne et ultra-conservateur des talibans. Yves Simon, Les souffrantes. Demain, dernier volet de notre semaine consacrée à l'Afghanistan, avec l'interview de Daniel Lecomte, co-auteur avec Damien De Gueldre du documentaire Afghanistan, la guerre pour de vrai. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamy. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. Écoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.